Transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Robertval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Robertval. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 au Sabre Junior 2A de Robertval. C'est la chronique des Sabres de Robertval avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, si on y allait maintenant avec les Sabres de Robertval en fin de semaine, j'ai dit dans le bulletin de sport local d'entrée de jeu que c'était une victoire incroyable qui allait faire du bien au moral, et parce que tu me disais dans la chronique, bon, on n'est pas capable de marquer de but, c'est incroyable, on n'est pas capable d'acheter un but, puis un blanchissant en plus de ça, donc ça te fait du bien, là. Oui, ça fait très du bien, là. C'est sûr qu'à 6-0, ça indique vraiment l'allure du match. On a dominé du début jusqu'à la fin du match. On a été là très, très dominant. Autour du filet, là, ça a débloqué à partir de la deuxième période, parce qu'après une période, là, c'était 0-0, mais on avait 26 lancés juste en première période. Ça voulait pas rentrer encore. Okay. Puis en deuxième, là, ça a débloqué. On scorait trois buts en troisième. Le score 6-0, ça a été vraiment l'allure du match. Okay. Puis, les autres, ils ont pas été menaçants pantoute, là. Quelques bons arrêts de notre gardien là, qui nous a tenus là peut-être en première période, mais à part ça, là, ils ont pas été menaçants, pas du tout. OK. Donc, est-ce que l'avantage numérique a bien fonctionné? Parce que quelque part, c'était ça aussi ton... peut-être que tu semblais vouloir dire qu'il y avait des difficultés de ce côté-là aussi? Ouais, ben, on est 1-4, là, c'est sûr que ça, okay. On sourit là-dessus. 1-4, quand même 25%, quand même pas si pire que ça. Donc, non, c'est sûr qu'on va construire là-dessus. On a scoré un but en powerplay. Ça va donner confiance aussi à nos joueurs. C'est scoré 6 buts, là. Ça faisait longtemps qu'on avait scoré plus de 3 buts, là, dans nos matchs. Donc, c'est sûr que ça va faire du bien. OK. Si on y allait maintenant en fin de semaine, vous allez visiter les Éperviers de Normandin. Toujours une belle rivalité entre ces deux formations-là. Et vous avez deux matchs, d'abord contre les Marquis et à la maison et contre les Éperviers à Normandin. Les Éperviers. Oui. Ouais, c'est sûr qu'on a une grosse fin de semaine là, qui nous attend. Là, les Éperviers qui sont premiers au classement général, puis les Marquis qui sont deuxièmes. Donc, on va être à nous d'être prêts là, pour ces deux rencontres-là. Sinon, ça va être très dur. OK. Qu'est-ce qu'il faut surveiller, j'imagine? Bon, c'est Samuel Dallaire qu'il faut regarder aussi. Il y a Jérémy Cloutier qui va bien, puis Vincent Boivin. Oui, plus Vincent Boivin, là, je vous dirais. Okay. Là, qui t'en feu 12 buts, hein? Là, à Normandin, là, et qui est assez dangereux quand il est sur la patinoire. C'est ouais. Sûr, c'est vraiment lui là, qui est le pilier à l'attaque, là, comme on dirait. Là, c'est vraiment lui là, qu'il faut surveiller. OK. Et samedi soir, ben, c'est à Robertval, vous allez recevoir les Marquis de Jonquière. Oui, en plein ça. C'est sûr qu'eux autres, là, les Marquis de Jonquière, là, la ligne, il y a une ligne qui est en feu présentement, la ligne à Jimmy Guimard, Étienne Leduc, puis Jonathan Asselin, là, qui sont tout feu de flamme. Moi, je pense qu'ils ont récolté une trentaine de points dans la dernière fin de semaine, les trois ensemble. Donc, ça va être quelque chose là, qu'il va falloir contenir samedi contre les Marquis. OK. Bon, ben, Jason, on s'en reparle la semaine prochaine? Yes. C'était la chronique des Sabres de Robertval avec l'instructeur-chef Jason Leger.